Donc Claire, de l'Université de Toulouse, qui en réalité a travaillé en collaboration avec Rosa Salzberg de l'Université de Warwick. Donc c'est une intervention en papier à quatre mains sur quel droit pour les migrants à Venise au XVIe siècle. C'est bien le titre? Oui, c'est bien. Donc c'est la question de départ qu'on s'est posée avec Rosa Salzberg quand, pour répondre à l'argumentaire que nous avait proposé Nati, quand on avait reçu cette présentation, c'est de ces droits des migrants à Venise au XVIe siècle, pour essayer de répondre et d'apporter quelques réponses, ce que je vais essayer de faire ici. En fait, en réalité, je vais poser d'autres questions et j'espère que de la discussion, nous pourrons trouver certaines solutions à ces questions. En sachant qu'avec Rosa Salzberg, notre terrain d'étude, donc c'est Venise au XVIe siècle, c'est ce qui nous rapproche sur l'histoire sociale de la ville au XVIe siècle et la façon dont, en particulier, elle considère les étrangers à Venise consiste à non pas s'inscrire dans le couple étranger-citoyen, mais dans le couple gens ordinaires-étrangers. Donc la question qui s'est posée pour nous au départ, en réalité, c'est comment penser l'étranger à Venise, ou les étrangers à Venise, non pas considérés comme la catégorie inverse de celle de citoyen, c'est-à-dire les bourgeois de Venise, mais bien comme une catégorie qui viendrait compléter celle des gens du peuple. Et nous avions écrit déjà ensemble un article publié en 2013 dans les Annales sur cette question de la définition du peuple à Venise, où nous posions en particulier des questions en termes de droit, et on s'est rendu compte que la question des étrangers était cruciale pour comprendre ce qu'était le peuple à Venise, sans pour autant très bien d'ailleurs comprendre à l'époque quelles étaient la façon dont s'articulaient justement ces catégories. Donc c'est pour nous l'occasion de continuer ce chantier-là, qu'on n'a jamais abandonné, mais de formaliser un certain nombre de questionnements que nous avons, et que j'articulerai ici en quatre grandes questions en réalité. Donc la première question, c'est évidemment la question la plus simple, qu'est-ce qui définit l'étranger? C'est-à-dire à partir du moment où on considère ce couple étranger gens ordinaires, qu'est-ce que ça veut dire être étranger pour les habitants ordinaires, pour les domestiques, pour les ouvriers, pour ceux qui travaillent dans les ateliers, pour ceux qui ne pourront jamais avoir un statut de citoyen. Donc à Venise, le statut de citoyen représente sans doute à peu près 5% de la population. C'est un statut qui est défini par le droit, clairement. Il y a plusieurs types de citoyenneté qui sont liés très classiquement à un temps de résidence, à un certain nombre de travail, etc. Donc à partir du moment où on sort de cette catégorie-là, on pense aux bateliers, aux gondoliers, aux prostituées. Est-ce que ça veut dire quelque chose, être étranger, puisqu'on considère des gens qui, au départ, de toute façon, n'ont pas de droit? Et c'est ça la question qui est problématique pour nous. Puisque les gens du peuple n'ont pas de droit, est-ce qu'on peut avoir moins de droit que pas de droit? Et comment ça se passe? Donc, la définition de l'étranger, elle est évidemment liée à cette question aussi du rapport au peuple. Premier type de question. Deuxième question, du coup, celle de l'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque nous ne sommes pas tout à fait sûrs de comprendre ce que veut dire appartenir au peuple, être un popolano de Venise, du coup, on se pose la question, est-ce que les étrangers appartiennent au peuple ou pas? Et est-ce que les étrangers, du coup, appartiennent à la ville ou pas? Donc l'appartenance, elle est non seulement liée à une appartenance géographique, l'espace de la ville de Venise, mais elle est évidemment, dès lors, liée aussi à une appartenance éventuellement juridique, pour laquelle on a du mal à trouver des définitions positives dans le droit vénitien. Et cette question de l'appartenance, elle ouvre des questions classiques. Combien de temps faut-il pour appartenir? À partir de combien de temps dans la ville on appartient? Là encore, hein, on écarte la question de la citoyenneté. Ces gens-là ne demanderont jamais la citoyenneté. Combien de temps pour qu'une nourrice dalmate, un gondolier grec, un verrier bergamasque, combien de temps pour qu'il soit de Venise? Troisième question qui est liée à cette question de la définition des étrangers à la définition de l'appartenance, c'est la question de l'identification. Et c'est un peu celle qu'on a choisie justement pour cette réflexion-là, c'est d'entrer dans cette réflexion par le biais de l'identification. Je m'explique. La question qui se pose avant le XVIe siècle, c'est comment on identifie justement les gens ordinaires de Venise ou pas, les natifs ou ceux qui sont nés ailleurs, Comment on les identifie dans un contexte où il n'y a pas encore de papier d'identité, où il n'y a pas encore de registre de naissance ou de sources en général qui permettent d'attester de l'identité, de l'appartenance, de la naissance des individus. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue en termes d'identification, justement, dans cette période charnière du XVIe siècle, où l'on voit les pratiques médiévales perdurer, les pratiques médiévales d'identification qui relèvent de la communauté, et, je vais y revenir, des pratiques d'État apparaître, c'est-à-dire au XVIe siècle, c'est vraiment le moment où à Venise, on voit très clairement un certain nombre d'institutions différentes produire des règles spécifiques liées aux migrants, et du coup des papiers qui vont attester justement et permettre la présence dans la ville. Donc attester de l'identité, identifier, mais aussi du coup délivrer des droits. Et c'est ma quatrième question en effet. Comment de tout cela on peut essayer de comprendre quels sont les droits des migrants ? C'est-à-dire en partant de la question de l'appartenance et de la façon dont de l'identification et de la façon dont les critères d'identification évoluent au XVIe siècle, comment peut-on poser différemment la question des droits ? Et évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si, à partir du moment où les identifications et les formes d'identification se transforment, est-ce que les droits se transforment également ? Donc, je voudrais juste ici dire en introduction que la question de l'identification, elle est intéressante pour Venise, parce qu'elle a été assez peu étudiée, ce travail que nous sommes en train de mener, et je dois dire particulièrement Rosa pour ce qui concerne cette question des papiers d'identité pour les étrangers au XVIe siècle à Venise. C'est une question originale dans le sens où toute la législation qu'on commence à trouver dans les archives, jusqu'à présent, n'a quasiment pas été étudiée de façon systématique. Donc de ces quatre questions, je vais présenter en fait très rapidement comment nous entendons mener notre réflexion, plutôt pour ouvrir, comme je l'ai dit, des questionnements et vous montrer comment cette question de l'identification ouvre sur celle des droits. Alors je voudrais dire un mot du contexte pour finir cette introduction, pour rappeler donc que le contexte du XVIe siècle est intéressant, je le dis, puisque c'est le moment où apparaissent justement un certain nombre de nouvelles formes d'identification officielles et produites par des institutions publiques, mais c'est aussi un moment d'intensification des mouvements migratoires vers Venise. Donc Venise, on le sait, c'est une cosmopolite qui a toujours accueilli une très vaste population d'étrangers, pour utiliser une catégorie moderne, mais à partir du début du XVIe siècle, il y a une intensification d'abord liée aux guerres d'Italie, donc il y a énormément d'Italiens de la terre ferme italienne qui vont vers Venise pour des périodes plus ou moins courtes. C'est aussi une période où beaucoup de Grecs quittent l'ancien empire byzantin pour rejoindre Venise. Et dans les textes, il y a, dans les textes officiels, dans les textes normatifs, il y a un discours qui commence à être produit sur le fait qu'il y a de plus en plus d'étrangers à Venise, que ça pose problème, qu'il va falloir légiférer. Donc, bien entendu, on sait que ces discours n'ont qu'une valeur, et ils ont aussi une valeur performative, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve de plus en plus fréquemment et que, évidemment, on peut mettre en lien ces discours-là avec ces nouvelles pratiques d'identification que l'on trouve dans les sources. Alors, j'ai peu de temps, donc je suis un peu caricaturale, mais effectivement, on peut considérer que ce qu'on voit au XVIe siècle, c'est la confluence entre deux modèles d'identification. D'une part, l'identification telle qu'elle a lieu jusqu'à la fin du XVe siècle de façon classique à Venise, qui est une identification liée à l'interconnaissance et liée à un savoir collectif sur la société, et puis l'émergence donc de ces nouvelles pratiques d'État. Alors, pour expliquer en deux mots comment, en tout cas, on arrive à identifier, nous, dans les sources, la façon dont sont identifiés les étrangers jusqu'à la fin du XVe siècle, et la façon dont ces modes d'identification collective et communautaire donnent des droits, nous nous fondons beaucoup sur les sources judiciaires. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, à partir d'un certain nombre d'un corpus assez étoffé d'archives judiciaires, alors d'une part, on voit très clairement comment, dans les voisinages vénitiens, c'est encore plus petit que les paroisses, il y a déjà 70 paroisses à Venise, une population très vaste, à l'époque dont je parle, entre 110, 140, jusqu'à 170 000 habitants en 1570. Donc les paroisses peuvent être très grandes, donc là vraiment des voisinages où on voit se jouer la vie sociale des habitants et des voisinages qui sont de toute évidence peuplés par un très grand nombre de ce qu'on peut qualifier d'étrangers. Je vous donne juste un exemple d'un procès sur lequel on travaille. Un voisinage au nord de Venise, pas très loin du ghetto d'ailleurs, où plusieurs témoins sont amenés à venir témoigné à propos d'un homicide. Et on a un maître Grégoire allemand, un vendeur de fruits bergamasque, un Francesco de Parenzo en Croatie, un Padouan, un fabricant de velours qui vient de Grèce, un Bernardinus de Padoue, une Anastasia et un Alexio qu'on peut supposer venir de Grèce. Et ce type de configuration, on en a énormément. Ce qu'on voit dans ce type de témoignage dans les sources judiciaires, c'est que le mot « étranger » n'est jamais employé. Donc les gens se reconnaissent, s'identifient les uns les autres par le biais de catégories nationales ou locales. Donc on est un bergamasque, un grec, un sarrasin, on a beaucoup de gondoliers qui sont... Mais on n'a jamais un voisin étranger. Donc dans ces formes d'identification communautaire, on reconnaît ses voisins, on peut éventuellement dire qu'ils viennent d'ailleurs, mais le fait de les connaître et de les reconnaître, c'est évidemment ce qui va permettre aussi à l'État, pour le dire vite, de savoir qui est qui. Puisque je rappelle qu'il n'y a pas encore à cette époque de méthode d'enregistrement. Et qu'en plus, à Venise, pour une raison qui reste encore assez mystérieuse, il n'y a pas d'usage de patronyme par les gens du peuple. C'est-à-dire qu'ils sont tous, ils s'appellent tous Antonio, Giorgio ou Paolo, mais ils sont fils d'eux, mais n'ont pas de patronyme. Donc du coup, évidemment, leur origine devient très importante pour les identifier. Donc le mot étranger forestière, quand il est utilisé pour qualifier ceux qui viennent vraiment d'ailleurs, c'est-à-dire ceux, les pèlerins, les voyageurs, les marchands, ceux qui n'appartiennent pas au voisinage. Donc ceux qui ne sont pas connus et ne sont pas reconnus, et ils sont souvent identifiés par deux formes très classiques, la langue ou le vêtement. C'est-à-dire les deux occurrences les plus classiques qu'on retrouve dans des témoignages de gens ordinaires pour qualifier les étrangers, c'est soit il était habillé à la forestière, donc il était habillé comme un étranger, ou la langue qu'il parlait. Donc ce qui paraît évident à travers ces procès, et je vais très vite, je m'en excuse, mais bon, en même temps, c'est assez classique comme forme d'approche de ce type de source. C'est que la façon dont les juges vont pouvoir déterminer l'identité d'une personne, c'est en écoutant les voisins. C'est-à-dire, ce sont les voisins qui savent qui est né, qui n'est pas né là. Et les voisins peuvent dire, lui, je le connais, ça fait 15 ans qu'il est là, ça fait 20 ans qu'il est là, ou on était enfants ensemble, on jouait, ou lui, je me rappelle, il est arrivé il y a 10 ans. Donc, c'est un savoir communautaire qui permet l'identification. Et encore jusqu'à la fin du XVe siècle, ça domine, ça continue durant tout le XVIe siècle, mais on voit aussi émerger en parallèle donc ces pratiques justement d'identification. J'en donne quelques exemples, et alors elles sont évidemment particulièrement intéressantes puisqu'elles sont liées d'une part au contexte que l'on connaît tous, c'est-à-dire le moment où au XVIe siècle, il va y avoir un début d'enregistrement quasiment généralisé des naissances, des mariages et des décès. Donc évidemment, le processus d'identification des étrangers entre dans ce cadre-là d'une pratique plus générale de l'enregistrement, du recensement, de la production de listes d'habitants. Et à Venise, il y aurait peut-être, c'est une hypothèse que nous faisons, évidemment un usage du papier, le fait que vous ayez cet immense marché de l'imprimerie. On voit ça, c'est tout à fait intéressant dans les sources, mais c'est vrai aussi ailleurs, hein, cette multiplication des bollettino, de ces petits papiers bollettino, qu'on va commencer à donner, là je vous parlais de ceux qu'on donne aux étrangers, mais qu'on commence à donner à tout le monde, tout le temps, on dépose des bollettino on est convoqué dans telle ou telle institution, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître au XVIe siècle? D'une part, le fait qu'un certain nombre d'institutions commencent à se préoccuper de l'arrivée des étrangers dans la ville et qu'elles confient en particulier à deux types de métiers l'obligation de contrôler et de surveiller les étrangers. Donc, dans un premier temps, l'État se préoccupe, les institutions se préoccupent de l'arrivée des étrangers en demandant, un, aux gondoliers qui font, puisque vous le savez, pour arriver à Venise, il faut utiliser un traghetto, un système de gondole transport collectif. Donc, les gondoliers doivent informer les migrants des lois. Et, deuxième temps, les aubergistes, qui doivent aller se présenter, alors d'abord à la Justitia Nuova et ensuite au Provveditori alla Sanità. Donc, d'abord ceux qui s'occupent de la justice civile et ensuite ceux qui s'occupent de l'hygiène de la ville. Les aubergistes doivent venir déclarer les étrangers qui se sont installés chez eux. Donc ça commence par ces premières législations, donc qui on a recours aux individus dans la ville pour informer les institutions de qui arrive et comment. À partir des années 1522, on trouve mention de ces bolettini di sanità, c'est-à-dire à partir du moment où les provveditori alla sanità, qui sont donc les trois provvediteurs chargés de l'hygiène à Venise, vont commencer à délivrer des bolettino pour admettre ces étrangers dans la ville. Donc une fois qu'ils sont arrivés, ils ont 3 jours, puis 5 jours pour venir réclamer leur bolettino. Donc ils sont d'abord déclarés par l'aubergiste, puis ensuite ils peuvent venir chercher leur bolettino, ce qui permet de contrôler évidemment la peste. C'est, au départ, ces mentions ne sont faites qu'en cas de, dans le contexte de peste, et puis après elles se généralisent. Et à partir de 1545, on trouve une nouvelle législation qui ce n'est plus à l'aubergiste de faire la déclaration de qui est arrivé chez lui, mais c'est aux migrants eux-mêmes de venir se présenter à l'institution pour retirer directement leur bolettino. Donc on voit bien comment il y a un aménagement. Alors il n'est pas encore certain qu'on ait trouvé justement toutes les législations, on est en train de reconstituer la façon dont ça se constitue, mais on voit qu'il y a une évolution des pratiques, et à partir de 1583, semble-t-il, ce n'est plus les provéditeurs à l'hygiène et à la santé qui sont chargés de cela, mais les exécuteurs contre le blasphème. Donc il y a à nouveau un transfert au moment où, à la fin donc, du XVIe siècle, le Saint-Office s'est aussi installé à Venise, la juridiction est très prolixe et participe aussi, collabore avec ces institutions. Donc en parallèle à ce travail d'identification, on voit émerger dans les sources de nouvelles façons justement d'identifier et de nommer les migrants, et en particulier dans les archives, dans les sources normatives, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir émerger la distinction entre forestieri da terre aliene et forestieri di aliene edizione. Donc ceux qui viennent de terres étrangères, ceux qui viennent de terres où on parle une autre langue, donc il y a les Italiens et puis il y a ceux qui viennent d'au-delà de l'Italie. Il y a les étrangers qui viennent des terres soumises, puisque vous le savez, Venise a un empire qui est important. Et donc commencent à naître aussi les distinctions, parce que les gens eux-mêmes revendiquent. Certes, je suis padouan, mais j'appartiens à l'État vénitien. Certes, je suis grec, mais j'appartiens... Donc il y a ces revendications qui commencent à apparaître. Et donc on voit bien comment dans les sources, l'État, d'une certaine façon... s'adapte à ces revendications de catégorisation différente. Et c'est bien sûr à cette époque-là que le 1516, que le ghetto est créé à Venise, et on voit bien comment cette création du ghetto rentre tout à fait justement dans cette tentative d'identifier les différentes formes d'étrangers. Alors, comment de là on passe au droit justement ? Et c'est là où la question pour nous est encore en cours de travail, et de recherche. Ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'on voit comment, au cours du XVIe siècle, les deux types les deux formes d'identification, celle plus communautaire et celle plus étatique, finalement se rencontrent. Et donc il y a ce qu'on est en train d'essayer d'analyser, c'est comment on peut comprendre un certain nombre de conflits justement dans ces formes d'identification. Des conflits, par exemple, on a plusieurs sources qu'on est en train d'exploiter sur la façon dont les guides vont être amenés à légiférer sur la présence ou pas des étrangers dans la guilde. Et sur la façon dont, jusqu'au XVe siècle, il y a toujours eu des étrangers, évidemment, qui arrivent à Venise et des législations sur le temps qu'il fallait pour qu'ils rejoignent la guilde. Mais à partir du moment où vous avez ces fameux bolettini, donc il y a une identification plus officielle, les guildes vont être obligées de s'adapter. Donc les guildes vont être obligées aussi de produire de nouvelles normes, de nouveaux droits, qui parfois entrent en conflit avec ce qui est marqué sur le bolettino, puisque le bolettino peut donner un droit de travail ou un droit de résidence. Donc la question... que nous avons encore ouverte à ce stade et à laquelle nous espérons pouvoir répondre, c'est finalement comment cette évolution des méthodes d'identification va transformer également ce que sont ces droits et la façon non seulement dont on définit l'étranger, mais dont les droits auxquels peuvent accéder ces étrangers. Droits de résidence, droits de travail, qui sont les deux plus importants à Venise, et droit de justice, droit d'accéder à la justice, droit de faire appel à la justice, mais ça qui semble un droit réellement partagé par tous les habitants de la ville dès la période pour laquelle on a des sources concernant ces questions-là, donc le XIVe siècle, de toute évidence, déjà il y a cette capacité de, pour les étrangers comme pour les gens du peuple, même s'ils n'ont pas un statut positivement défini, de faire appel à la justice. Donc on est encore en train de fouiller ces sources, et c'est vrai qu'on on a cette intuition qu'il y a une transformation des droits qui est liée à la transformation des méthodes d'identification. J'espère qu'on va pouvoir maintenant effectivement le prouver de façon plus évidente avec un certain nombre de documents.